n'a qu'à moi. Oh non, non. Qu'est pas ça, j'suis plus là. T'as foutu la cata, j'étais la buena. T'es borné, tu t'es méfié. T'as écouté les gens, c'est dommage. Pourquoi revenir, c'est trop tard. J'suis pas du genre à regretter. Tu continues, mais t'es taré. Arrête. Bye bye. J'te dis bye bye. Salam à toi et tout ce qu'on a vécu sur ce bon route. Tu m'as fait du mal, je t'ai pardonné. J'essaie d'oublier, mais sans fin. Non, ne m'en veux pas, fallait passer le cap. J'essaie d'oublier mes envies. Réfugié dans les bras d'un gangster. Tu m'as tué dans les bras d'un gangster. Tu m'as tué, tu l'es. Tu doutais de moi, mauvaise idée. J'ai plus confiance, c'est terminé. La vie c'est pas un film. Chérie, t'es mal à filer. Il voudrait revenir, mais quelle audace. Je ne m'auras plus jamais. J'ai dit plus jamais. Bye bye. J'te dis bye bye. Salam à toi et tout ce qu'on a vécu sur ce bon route. Tu m'as fait du mal, je t'ai pardonné. J'essaie d'oublier mais sans fin. Non, ne m'en veux pas, fallait passer le cap. J'essaie d'oublier mes envies. Réfugié dans les bras d'un gangster. Tu m'as tué dans les bras d'un gangster. Tu m'as tué, tu l'es. Y'a plus rien à gratter. Y'a plus rien à côté. Ça au dealer. Y'a plus d'horreur. Y'a plus de douleur. C'est fini, c'est fini. Y'a plus rien à gratter. Y'a plus rien à côté. C'est fini. Tu m'as fait du mal, je t'ai pardonné. J'essaie d'oublier, mais sans fin. Non, ne m'en veux pas, fallait passer le cas.